Voici votre plus récente information de sport local et régional au microphone de Danny Veillon. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional hier. C'est pour la première fois depuis sa transaction qu'il a fait passer des Prédateurs de Nashville à l'Avalanche du Colorado. Samuel Girard était sur les ondes de danradiosport.com. Et dans un premier temps, il est revenu sur la transaction qu'il a fait passer de Nashville à Colorado. Et il s'est dit quand même qu'il ne s'attendait pas vraiment à cette transaction-là, mais il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Ben ouais. On ne peut pas s'attendre à tout ça, fait qu'on ne peut pas savoir. Mais si j'avais une idée un petit peu, je savais que ça pourrait être une bonne pièce d'échange pour Nashville, justement parce qu'ils cherchaient un attaquant de premier ou deuxième trio. Fait que je ne dirais pas que je m'en attendais à ce moment, mais je dirais qu'il y a une chute dans ma tête que ça pourrait être. Puis, tu sais, dans le fond, là, à Los Angeles, OK. Ben oui. C'est vrai qu'après une trentaine de minutes, là, j'ai réalisé que c'était pour le bien pour moi. Puis, c'est pas juste pour moi aussi, je pense, pour Nashville aussi. C'est Nashville, c'est une bonne organisation. Ils ont parlé justement après le temps. Ils m'ont dit que c'est un choix difficile qu'ils ont eu à faire, c'est de laisser partir un défenseur de moi, tout ça. Mais qu'eux, ils cherchaient peut-être ça. Puis, ils m'ont dit aussi que c'était bien pour moi aussi d'aller en Colorado. Leur défensif est un petit peu moins bon que Ganache. Ben oui. Je pense qu'il manque de défenseurs gauchers aussi. C'est un bon pour moi, puis c'est un bon pour tous les voleurs. Je suis vraiment content d'avoir. Girard a fait un retour à Nashville samedi dans l'uniforme de l'Avalanche du Colorado. Il a mentionné qu'au début c'était un peu spécial, mais ça s'est rapidement devenu un match comme un autre. Ben, je te dirais que oui. C'est bon visiteur, là, c'est spécial quand même, mais. Automatiquement, quand je rentre sur une place, là, je pense plus à grand chose. Fait que, ouais. Pour moi, c'était un match comme tous les autres. Puis, okay. J'ai apprécié le moment que j'étais à Nashville. Le Denver Post a comparé Samuel Girard à Danton Keith et c'est une comparaison que le défenseur natif de Roberval se dit flatté. c'est le fun d'avoir. Je pense que depuis que je suis arrivé justement ici, je pense que le monde ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur. Puis, je pense que je suis arrivé ici, puis les derniers deux matchs que j'ai joué en Suède, puis j'ai montré que j'étais capable de jouer dans les finales, puis que je méritais ma place justement ici. Puis, jusqu'à là, je joue très bien. Je joue très bien offensivement, défensivement aussi. Puis, aussi un avantage numérique. Puis, en fin de compte, je fais des belles sorties de zone. Ben oui, on voit ça. Je suis arrivé jusqu'à date, là. Je pense que l'organisation sont bien contents de le rendement que je leur apporte aussi présentement. Je pense que c'est... Transaction maintenant chez les Marquis de Jonquin, les Marquis qui échangent Hubert Poulin et des considérations futures au cours de Saint-Georges-de-Beauce en retour de Nicolas Blanchard et d'un choix de première ronde en 2018. Maintenant, puisqu'il est question de hockey, hier on a parlé avec Pierre-Luc Ménard, du président du tournoi Bantam du secteur de Mississini, qui tire sa révérence cette année après 4 ans. Et on peut dire mission accomplie pour celui qui a succédé à l'organisation du Club Optimiste. Et Pierre-Luc Ménard a dressé un bilan très positif de l'année qui s'est terminée dimanche au tournoi Bantam du secteur de Mississini. Tu te trompes pas, Danny, ça a super bien été dans tous les sens du terme, autant au niveau des performances de nos équipes locales que l'assistance, qu'au niveau de l'arbitrage, qu'au niveau de la satisfaction en général des participants, des équipes et des spectateurs. On est vraiment contents. Ça a bien été le comité... Comité du plaisir à organiser aussi. On n'a pas eu de pépins, quoi que ce soit. C'est ça qui est le fun. Hein? Parlons maintenant de patinage artistique. Il y avait une compétition qui se déroulait en fin de semaine et les patineurs du club de patinage artistique des Perles Bleues du secteur de Dolbeau étaient là. C'est la compétition Martin Girard. Et médaille d'or dans la catégorie 5 stars et plus pour Justine Paris chez les 13 ans. Médaille de bronze dans la catégorie star 4 de Meggy Allard. Catégorie Star 5 plus de 13 ans, c'est Emma Bergeron qui a également remporté une médaille de bronze. Dans la catégorie ruban d'argent, la catégorie Star 3, Florence Richard et Amélie Saint-Pierre ont remporté des rubans d'argent. Ruban de bronze, catégorie Star Alice Raté. Catégorie étape 5, Annabelle Cibard, Megan Thibault et Talia Tremblay ont réussi à, également à obtenir des rubans bronze. Maintenant, on va parler du côté de patinage de vitesse sur côte à piste. Il y avait une compétition qui se déroulait à Saint-Félicien au cours du week-end et il y avait quand même plusieurs patineurs qui étaient là. C'était la deuxième tour du circuit régional. Chez les 10 ans et plus, groupe 2 mix, Alexandre Tremblay de Saint-Félicien a terminé en troisième position. Chez les 6 à 9 ans, Oliane Dufour de Saint-Félicien a terminé en deuxième position. Catégorie groupe 3 mix, Alexis Villeneuve, troisième position, les deux Dolbeau-Mistassini. Mélissa Néron de Saint-Félicien, groupe 4 dans la catégorie mix. Et groupe 5 dans la catégorie mix également, ben, à noter que Marissa Fortin de Robertval a terminé en deuxième place et Jasmin Morin de Dolbeau-Mistassini a terminé en troisième position. Il y avait un tournoi de curling en fin de semaine à Kenogami et l'équipe de Zachary Gagnon de Dolbeau-Mistassini ont remporté une victoire contre Allemagne. Ils ont également vaincu Victoriaville. Ils ont perdu contre Kenogami et ils se sont inclinés en demi-finale contre Lennoxville. Et ils ont gagné la médaille de bronze pour la troisième place contre la formation de Kenogami. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Encore une fois, beaucoup de stock hier. On a parlé avec, avec les dirigeants des Gaillards de Jonquière, avec François Laberge qui nous parle évidemment du bilan de saison et du match du Bol d'Or qui a été perdu par son équipe 35-20 contre Saint-Hyacinthe. Également, je me suis entretenu avec Samuel Girard de l'Avalanche du Colorado. Également, vous pouvez écouter les autres entrevues avec Gino Gagnon du MJR Express de Jonquière. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.